Bonsoir. Alors, on a invité, comment ça s'appelle, pour parler de la Colombie, on a invité Adriana et Hugo pour qu'ils nous parlent de la Colombie par rapport à tout ce qu'on a dit dans le monde et en Europe, les journaux ont dit que les FARC étaient des trafiquants de drogue, des terroristes et tout. Et on a une vision soit du Figaro ou soit du Temps de Genève ou de tous les journaux. Et cette émission va remettre les pendules à l'heure et c'est pour ça qu'on a invité deux latino-américains qui viennent de Colombie et qui vont nous raconter la version latino-américaine et colombienne. J'espère que ça vous intéressera. Salut. Bonsoir. Petite correction, en fait, l'invité, c'est Hugo, c'est pas moi, c'est moi aussi, je fais partie de la radio, donc je vais poser des questions à notre invité. Donc voilà, moi, je voudrais commencer par te demander, est-ce que tu peux nous parler de, en fait, quelles sont les conditions, quelle est la situation, ou quelles sont les spécificités de la société colombienne qui fait que des groupes guerrilleros se développent dans son environnement, parce que il y a quand même la FARC, mais il y a aussi les ELN, puis il y a l'M19, donc il y a toute une histoire de mouvements révolutionnaires en Colombie. Donc, mais ça doit, il doit avoir des raisons concrètes pourquoi toujours on choisit la lutte armée, par exemple. Voilà, en fait, bonsoir à tous à nouveau. Et voilà, c'est une bonne question. Il faut se remonter à l'histoire de la Colombie. Il faut parler aussi et se remonter dans l'année 1948. Plus ou moins, pour éviter d'aller plus loin, parce que plus loin, il y a aussi beaucoup d'histoires, beaucoup de indignités, beaucoup d'oppressions de la part des différents gouvernements vers le peuple colombien. Et en 1948, le 9 avril, et il était assassiné, un grand leader politique libéral, c'était Jorge Eliécer Gaitán. Jorge Eliécer Gaitán, à ce moment-là, incarnait en Colombie, on dit le socialisme, parce qu'à ce moment-là, le Parti libéral, c'était un parti qui avait des consignes socialistes pour le peuple colombien. Maintenant, il y a une autre histoire. Une autre histoire. Il a devenu, comme le Parti Socialiste aujourd'hui. Il n'y a pas aucun principe révolutionnaire. Il y a des principes, on dit, social-démocrates. Mais avant, c'était des consignes vraiment socialistes à ce moment-là. Et voilà, il a été assassiné. Et en Colombie, il y a une grande révolte par la part de la population colombienne. Et ça s'est traduit en guerre civile. Une guerre civile qui a continué plusieurs années. Et il s'est arrêté après des années dans un accord. Parmi les leaders des partis conservateurs, parti libéral. Et alors, après cela, dans les années 1954, il y a eu un coup d'État de la part du général Rojas Pinilla jusqu'en 1957. Et de cela, de 1948 jusqu'à les années 90, la Colombie a vécu dans les sièges d'État. Ça veut dire que tous les droits civils, tous les droits politiques qui avaient les peuples colombiens se sont coupés pour les sièges d'État pendant des années. Et c'était pratiquement les violations des droits de l'homme. C'était les calvaires pour l'oppression pour le peuple colombien. En 1964, ils sont nés les guerrillas colombiennes. Et ça veut dire las FARC, les Forces Armées Révolutionnaires de la Colombie, et les ELN, qui c'est l'Armée de Libération Populaire. Alors, quelles sont les revendications de ces guerrillas, de la FARC particulièrement, à ce moment-là, et son revendication, c'était une grande réforme agraire, parce que la FARC est née de douzaines de paysans colombiens. C'était des paysans qui étaient libéraux, du Parti libéral avant, c'était des guerrillas libérales. Mais que après ils ont continué la lutte armée et ils sont devenus les FARC. Mais pourquoi ils ont continué la lutte armée? Parce que voilà, pendant des années avant 1948, il y a eu en Colombie des forces cachées, on dit les groupes paramilitaires. Avant, ça s'appelait Pajaros, après Chulavitas, après Escadrón de la Mort, après MAS, Mort à Séquestrator, enfin, il y a beaucoup d'escalonnages de groupes paramilitaires qui répriment la population, qui ne laisse pas pousser l'opposition à la politique gouvernementale. Alors, chaque fois qu'il y a une grande opposition en Colombie, immédiatement, le gouvernement, l'État, l'établissement colombien, il a recouru à des forces spéciales, à des forces, on dit, paramilitaires, pour tuer, pour réprimer, pour menacer la population, et comme ça, ils sont, ils se sont soutenus pendant des années dans le pouvoir. Maintenant, la situation n'a pas changé. Dans les années 80, on dit plus ou moins, il y a des autres formes de paramilitarisme en Colombie. Il y a des autres organisations plus efficaces, on dit comme ça, et avec soutenus pour la mafia, pour l'argent des narcotrafics, soutenus pour l'armée colombienne, soutenus pour les établissements colombiens, soutenus pour l'État colombien et soutenus aussi pour les différents gouvernements colombiens. Alors, c'est pour cela qu'en Colombie, maintenant, il y a un conflit armé qui s'est dégradé, on dit comme ça. Il est passé de pire au plus pire, maintenant, parce que, voilà, en fait, les groupes paramilitaires, c'était, comment dire, la médecine. On dit comme ça, l'établissement colombien, on dit comme ça, c'est la médecine pour finir avec la guerrilla, l'insurrection colombienne. Mais cette médecine, c'était pire que la maladie, parce qu'ils ont commencé à tuer, ils ont commencé à massacrer. Ils ont commencé à faire les déplacements forcés de la population colombienne. En Colombie, maintenant, il y a 4 millions de personnes déplacées, forcées. Et en plus, il y a eu une domination des territoires colombiens par la part des paramilitaires pour éviter que les insurgents, ils prennent la place de ces personnes qui sont déplacées, soutenues par l'armée. Alors, il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de choses à dire sur la situation colombienne. On dit, maintenant, le gouvernement colombien dit, voilà, ici en Colombie, il n'y a pas de conflit armé. Le président colombien, M. Álvaro Uribe, il dit, ici, il n'y a pas de conflit armé. Il y a une force terroriste qui, il faut la combattre parce que, voilà, il gêne les bonnes ambiances, les bonnes politiques de la Colombie. Mais ce n'est pas vrai. En Colombie, il y a un conflit armé, un conflit historique. Un conflit qu'il faut le résoudre, il faut le résoudre pour le dialogue, il faut le résoudre pour la voie pacifique. Et voilà, on attend quelques jours que ça arrive, malgré des essais qu'il y a eu, mais jusqu'à maintenant, ça n'arrive pas. señor, buen señor, pues, le dice por bailar, cha-cha-cha. Señor, buen señor, buen, mi dedito para bailar, cha-cha-cha. Voilà, toi tu nous as parlé un peu de l'histoire de pourquoi en fait les mouvements politiques ou les groupes contestataires disons en Colombie ont pris cette voie de la lutte armée, quelques groupes je veux dire. Mais je voudrais te demander, d'habitude on entend aussi dire que Las FARC, ce sont des terroristes, que las FARC n'a pas aujourd'hui un projet politique plutôt. Donc, tantôt tu parlais de la réforme agraire et du projet de las FARC. Moi, j'aimerais savoir un peu plus sur les projets politiques actuels de las FARC. Quels sont ces projets aujourd'hui? Voilà, en fait, dans l'année 2000, on peut rappeler les processus de dialogue et de paix entamés entre les gouvernements colombiens. À ce moment-là, le président était Monsieur Pastrana, Andrés Pastrana, et las FARC. La presse colombienne à ce moment-là disait la même chose, c'est la même chose qui peut-être dit beaucoup de gens, que la FARC n'a pas un projet politique. Mais la FARC, à ce moment-là, il sort avec un projet politique vraiment, vraiment contestataire à la politique et à la situation réelle de la Colombie à ce moment-là. Un projet de 10 points. Et dans les 10 points, c'était, on peut le regrouper, c'était, il touche la situation économique, il touche la situation sociale, il touche la situation politique, à grosso modo. Mais dans la situation politique, qu'est-ce qui réclame la FARC? Il réclame rien de différent que dans son naissance. Il réclame une vraie démocratie, une vraie démocratie qui donne la parole à toute l'opposition sans que l'opposition soit tuée, sans que l'opposition soit menacé sans que l'opposition soit déplacée interne ou externement de la Colombie. Parce qu'à ce moment-là, en Colombie, on a ces situations. On a vécu ces situations. Parce que, en rappelant, je vais un peu l'histoire aussi, parce qu'il faut, se rappeler beaucoup de l'histoire. En 1984, la FARC a entamé un processus de paix, de dialogue de paix avec le gouvernement de M. Belisario Betancourt. Alors, ce processus de paix, c'était un processus de paix, je crois, le plus vrai processus de paix qui a eu la Colombie. C'était un processus de paix sur entraide, sur c'est s'appelait trêve s'appelait cessez le feu, trêve et paix. Ça veut dire que dans une ambiance on dit avec des conditions vraies, vraiment politiques pour avoir la paix en Colombie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement colombien, pour un côté, il disait oui, on va faire la trêve, on va faire la paix. Mais pour l'autre côté, l'armée colombienne, il continue à attaquer les différents campements des FARC. Hein? Alors, la FARC a dit voilà, on va à créer les conditions pour notre démobilisation. Ils ont créé un parti politique qui s'appelait la Union Patriotique. La Union Patriotique sort des accords de FARC avec le gouvernement colombien. À ce moment-là, M. Belisario Betancourt. La Union Patriotique, il a commencé à se développer en Colombie comme une force politique oui, alternative. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, l'établissement colombien, l'État colombien, ils ont commencé à tuer les dirigeants de la Union Patriotique. Ils ont commencé à tuer les dirigeants de la Union Patriotique. Ils ont tué deux candidats présidentiels de l'Union Patriotique de 1987 et 1989. Ils ont tué plusieurs sénateurs de l'Union Patriotique. Le dernier sénateur de l'Union Patriotique, il était tué en 1994. Que s'appelait Monsieur Manuel Cepeda, okay. Et maintenant les recherches pour ce crime s'étaient conduit directement à la brigade 20 de l'armée colombienne. Ils ont tué des conseillers municipaux, ils ont tué des bourgmestres municipal. Ils ont tué des militants. Et voilà, et ceux qui ne sont pas tués, on est ici en train de parler à tous vous, mes auditeurs. Mais c'est comme ça. Alors, c'est pour cela que la FARC dit, à ce moment-là, dans les années 2000, avec les processus de paix, avec M. Pastrana, il faut une vraie démocratie qui donne la parole, qui donne les lieux, l'espace politique à tous, sans qu'ils se sentent menacés, sans être tués, sans être déplacés. Voilà, c'est un point, je crois, que, un point spécifique qui besoin à la Colombie. Et pas seulement à ce moment-là, l'année 2000, sinon maintenant aussi. Et du point social, voilà, le FARC dit qu'il faut une redistribution de la richesse en Colombie. qu'est-ce que ça veut dire la redistribution de la richesse? C'est pas donner un chèque à chaque personne, à chaque habitant de la Colombie pour dépenser. Ouais. C'est investir dans le secteur social, investir dans le secteur d'éducation, investir dans le secteur salut, investir dans le secteur des logements, investir dans le secteur de la jeunesse, dans le sport, dans tous les secteurs sociaux. Pourquoi? Parce que ça permettre dans l'avenir d'avoir un peuple en paix. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ça, c'est douloureux. J'ai lu la semaine passée, ou cette semaine, quelque chose comme ça, en Colombie, à Cali, un fils de pas beaucoup d'années, un fils, ils sont traînés par plusieurs hôpitaux de la Colombie, de Cali, pardon, pour tous les plusieurs hôpitaux, trois ou quatre hôpitaux, et la fille est morte. Parce qu'aucun hôpital, il a reçu la fille pour les donner l'assistance médicale pour la soigner, pour éviter sa mort. Parce que c'est par contre, d'abord. Ça, c'est douloureux de dire comme ça, mais je crois que les FARC, à ce moment-là, dans ces revendications, ils ont raison. Ils ont la raison. Dans les secteurs de l'économie, voilà, les FARC disent, voilà, il faut une économie pour le peuple colombien, une économie qui... Et les multinationales se compromettent, si vont continuer à travailler en Colombie, de payer plus d'impôts vers le peuple colombien. C'est pour cela que la Bolivie il a nationalisé ses ressources naturelles, les gaz et des autres ressources. Mmh. Parce que, voilà, en Bolivie, c'était le même saccage que maintenant il y a en Colombie. En Colombie, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a les émeraudes, il y a beaucoup de ressources naturelles. Mais ils sont exploités pour des multinationales. Et qu'est-ce qu'ils donnent en Colombie? Ils ne payent pas à l'impôt. Ils payent ça s'appelle régalias. Régalias, hein. Régalias, ce qu'ils vont donner. Alors, ce n'est pas juste. Alors, c'est qui, à ce moment-là, la FARC a dit, voilà, il faut renverser ça. Il faut qu'ils payent un peu juste pour l'extraction d'or, pour l'extraction de pétrole, pour l'extraction des ressources, des autres ressources naturelles. Voilà, dans ce contexte de trois points généraux, dans 10 points spécifiques, ils ont entamé le dialogue de paix entre le gouvernement de M. Andrés Pastrana et la FARC dans l'année 2000. Ça veut dire que la FARC, à ce moment-là, il a montré à tout le peuple colombien, il a montré à niveau international qu'ils sont un projet politique. Mais je voulais poser une question. Le gouvernement, il est soutenu par qui exactement? Au niveau financier, au niveau choses. Est-ce que les Américains sont derrière? Est-ce que les Européens, la communauté européenne, donne des sous au gouvernement? Je parle au gouvernement. Hein. Oui, et le gouvernement colombien toujours a été soutenu par les États-Unis. C'est un soutien qui c'était fait comme un aide, mais C'était l'interventionnisme direct, l'occupation directe des Américains en Colombie. Alors, c'est pour cela que des différents gouvernements colombiens, voilà, ils ne donnent pas un pas sans la bénédiction des États-Unis, de Washington. Par exemple, maintenant, voilà, ils sont en train de financer les plans Colombie. Le plan Colombie, c'est toute un contre-offensive anti-subversif ou anti-insurgente. C'est la sortie militaire au conflit armé. Mais ils donnent beaucoup d'argent en Colombie. Je crois que c'était le 12e pays soutenu pour les États-Unis. En parlant d'argent, parce que le premier, c'est les Israéliens. La 12e, c'est la Colombie. Les autres, c'est les Irakiens, les Afghanistan, les autres pays qui sont en train qui sont en conflit interne. Mais toujours l'influence des Américains dans la politique colombienne, il y avait le soutien économique, c'est très très très fort. Par rapport, tu nous as parlé un petit peu du projet politique de la FARC. Ce qu'on entend aussi beaucoup ici dans les médias à propos de la FARC, c'est le fait qu'elle serait coupable d'un trafic de drogue et de prise d'otages. Qu'en est-il en fait par rapport à ces choses qu'on entend dans la presse? Voilà, une question, c'est très très difficile pour moi de répondre. Voilà, j'ai eu l'opportunité quelquefois à interviewer un membre de l'état-major de FARC. J'ai posé la même question, je lui ai dit voilà, en fait, les gens parlent, la presse parle, que la FARC est soutenue par le narcotrafic, que la FARC sont des narcotrafiquants, voilà. Il m'a dit, voilà, à ce moment-là, c'était un membre de FARC très connu, parce que la presse, il a parlé beaucoup, c'était Rodrigo Granda. Je parle de Rodrigo Granda, c'était le guerrillero qui était séquestré par le gouvernement colombien à Venezuela et qui était amené à la frontière colombienne pour être arrêté. Voilà, toute une histoire comme ça. Et il m'a dit, précisément, il m'a dit, voilà, non, les FARC ne sont pas des narcotrafiquants. On ne trafique pas avec la drogue. C'est qu'il y a un grave problème parmi les paysans et FARC. Parce que, voilà, les paysans, ils sont devenus, je parle pas du tout les paysans, mais en grande partie, ils sont devenus cultivateurs de feuilles de coca. Maintenant, il a diminué un peu, mais à ce moment-là, avec les problèmes des feuilles de coca. Parce que, à ce moment-là, les business plus rentables économiquement pour les paysans, c'était la cultivation des feuilles de coca, que la cultivation de maïs, la cultivation de betteraves, la cultivation de pommes de terre, la cultivation des autres produits alimentaires, parce que voilà, en fait, il produisait des maïs, de pommes de terre et des autres produits alimentaires, mais son revenu économique, c'était pas les mêmes. Alors, les narcotrafics achetaient bien la feuille de coca. Ou les chefs de drogue, ils achetaient bien les feuilles de coca. Alors, si c'était les feuilles de coca, c'était, comment dire, processé et converti en paste de coca, c'était beaucoup mieux pour les paysans et beaucoup mieux pour les chefs de drogue, les narcotrafiquants. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et les paysans colombiens, ils commençaient à être en contre des FARC. Pourquoi? Parce que les FARC avaient une consigne à ce moment-là et interdisaient aux paysans de cultiver des marijuana et des feuilles de coca. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, les FARC a dû mettre un pas derrière à ces consignes et dire voilà, on fait, il y a une situation économique en Colombie qui ne permet pas de aux paysans à une autre solution sinon à cultiver la feuille de coca. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les FARC, il a intervenu avec un impôt révolutionnaire, il dit, d'essayer un narcotrafiquant de payer bien aux paysans la production de feuilles de coca, la production de pasta de coca, et aussi donner un impôt au FARC pour la continuité de salut armé. Alors, c'est ça la relation qu'il y a maintenant et que les médias, ils sont manipulés, quoi. Bah, à ce moment-là, ce que m'a dit monsieur Rodrigo Granda, j'ai l'interview encore enregistrée. voilà, c'est ça. Alors, maintenant, voilà, les FARC, ils sont vus comme des narcotrafiquants, des narco-guerrilleros. Voilà, il y a beaucoup d'épithètes, comment se dit, épithètes, sont des mots qu'utilise la presse pour, au surnom, qu'utilise la presse pour dénominer les FARC. Mais j'ai dit une chose, voilà, ça c'est contre les FARC. Mais les paramilitaires, les paramilitaires, ils sont des narcotrafiquants. Ça fait plus ou moins 4 ans, 5 ans, un chef paramilitaire qui était tué, ils disent comme ça, qui était tué, Carlos Castaño, dans un reportage, non, dans un interview par la télévision, par Caracol, en Colombie, il a dit fresquement à tous les peuples colombiens, oui, nous finançons notre armée paramilitaire avec le narcotrafic. Et voilà, ils sont des narcotrafiquants. Mais maintenant, c'est les guerrilleros qui sont des narcotrafiquants et les paramilitaires, ils ne parlent pas des paramilitaires. Voilà, ça veut dire ceux qui sont plus directs ne sont pas accusés, mais ceux qui sont indirectement touchés sont plus accusés que les vrais narcotrafiquants. Les différents gouvernements colombiens, Monsieur Gaviria, qui a gouverné entre 94. Ça me laisse un goût amer dans ma bouche, parce que Gaviria, il a fait une loi spéciale pour les narcotrafiquants Réforme fiscale. Hein. Une réforme fiscale aussi pour les narcotrafiquants. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La loi des... Ça veut dire... Il a fait un accord avec Pablo Escobar Gaviria, le grand narcotrafiquant colombien. Il a dit, voilà, en fait, toi, te donne à la justice, voilà. On te procède avec un processus judiciaire juste. On te met quelques années dans la prison. Et après, tu peux disfruter, de tout ton argent. Et il n'y a aucun problème. Tu peux rester en Colombie, il n'y a aucun problème. Il y a des narcotrafiquants qui sont profités, les frères Ochoa. Ils sont condamnés quelques années, moins de 10 années. Ils sont sortis et voilà tout l'argent qu'ils ont ramassé pendant des années avec le narcotrafic. Maintenant, ils sont intouchables. Et je vous dis une chose, ils sont à ce moment-là 1 million de terres. 1 million de terres de terrain en Colombie. 1 million. Ce sont des plus forts terratenants en Colombie. Alors, c'est ça la situation qui se donne en Colombie. Et le président Ernesto Samper, il était accusé d'avoir touché l'argent de narcotrafic dans son campagne électorale. Voilà, et tout son mandat, il était ennoyé par le processus 8000, 8000. Maintenant, le président Uribe, c'était pire, parce que le président Uribe, il l'accuse maintenant, pas seulement d'être financé par le narcotrafic, sinon aussi soutenu par les paramilitaires. Alors, on dit en Colombie, on parle de narcotrafic, mais quel narcotrafic? Si le narcotrafic, il a touché pas seulement la guérilla, il a touché les paramilitaires, il a touché plusieurs de secteurs de l'établissement, pas tous, mais plusieurs. L'armée colombienne. Vous voyez, la presse colombienne maintenant, il parle des membres de DAS, du Département de Sécurité Nationale, qui sont liés au narcotrafic. Il parle des membres de l'armée colombienne, des colonels, des généraux qui sont touchés ou qui sont mêlés dans le narcotrafic. Il parle aussi de massacres. Par exemple, la massacre de Jamundi l'année passée, au début de l'année passée. Et voilà, un sergent de l'armée, il a protégé un narcotrafic. Voilà, à ce moment-là, un groupe de la police antinarcotique, voilà, était en train de l'arrêter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le colonel de l'armée, il a tué tous les policiers. Voilà, de quel narcotrafic on parle? Le narcotrafic, il a touché de différents secteurs de la Colombie. Passons par le gouvernement, passons pour des sous-membres de l'établissement. Et aussi, peut-être, comme dit Granda, à la guérilla aussi. Hein. Et ça c'est pas rare. Ça veut dire qu'on dit, si on parle de narcotrafic, il faut parler d'une façon plus vaste, plus générale, et pas seulement toucher à un secteur seulement pour le dégrader. Au niveau de, en Colombie, quelle force, entre guillemets, hein, je dis démocratique, qui a une opposition à Eribe comme parti politique légal ou comment s'appelle comme ça. Je dis entre guillemets, hein, parce que je pense qu'il doit avoir une telle répression que ça doit être. Voilà, en fait, il y a beaucoup de secteurs en Colombie qui se sont opposés aux politiques de M. Uribe. J'ai dit aux politiques de M. Uribe parce que, voilà, en fait, personne n'a rien en contre à niveau personnel de M. Uribe. Ce sont ces politiques, ces interprétations de la politique qui les peuples et qui de multiples secteurs politiques de la Colombie se posent. Parce que Uribe, il incarne l'établissement colombien. Uribe, il incarne aussi les multinationales, les politiques des multinationales. Uribe, il incarne aussi les politiques des États-Unis d'intervention. Alors c'est ça qui compte en Colombie. Il y a beaucoup de secteurs, et pas seulement les secteurs armés comme la guérilla, comme la FARC et les ELN. Et il y a des autres secteurs, par exemple, un grand secteur qui n'est pas récemment, c'était le pôle démocratie alternative, PDA. Et voilà, c'est un secteur d'un rassemblement de la gauche. Et c'est un rassemblement, pas seulement de la gauche, des secteurs démocratiques, des secteurs progressistes de la Colombie, et qui s'opposent à la politique des gouvernements colombiens et à la politique d'État qui se mène aujourd'hui en Colombie. Il y a des autres secteurs, le secteur des organisations qui travaillent pour les droits de l'homme, qui ont une grande opposition aussi avec les politiques militaires qui mènent le gouvernement de M. Uribe, parce qu'ils disent, et ils ont raison, qu'avec ces politiques, il y a plus probabilité d'avoir plus de violations des droits de l'homme que dans un autre contexte. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup d'opposition. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Uribe est soutenu par la presse colombienne. Il est soutenu par l'établissement colombien. Il est soutenu par les États-Unis. Alors, ça veut dire que à ce moment-là, Uribe, il est imbattable. Alors, dans aucun de ces secteurs que j'ai nommé, maintenant il y a aucun problème, malgré des accusations qui a fait directement Uribe contre certains secteurs, mais encore une fois, Uribe, il a adressé pour les chemins qu'il mène à tout le monde avec sa politique de sécurité démocratique et sa politique néolibérale. Et par rapport à l'Union européenne, Uribe a fait un tour en Europe. Il a été voir Sarkozy, il a été voir Guy Verhofstadt, il a été voir, je crois qu'il a été en Espagne, mais je ne suis pas sûr. Espagne, oui. Zapatero. Qu'est-ce qu'il a été chercher en fait comme politique de soutien de l'Union européenne ou qu'est-ce que fait la Commission européenne par rapport à la Colombie? Est-ce qu'elle la soutient au niveau financier ou au niveau culturel ou quel niveau quoi? Voilà, en fait, ce qui se passe avec la dernière tour qui au parcours qu'a fait M. Uribe en Europe, c'était la proposition du président vénézuélien Hugo Chavez, qui a dit que voilà, il a proposé au gouvernement colombien et à la communauté internationale de quitter les FARC de la liste des groupes terroristes considérés terroristes par les États-Unis, par l'Union européenne et le Canada, et aussi à l'ELN, l'Armée de Libération Nationale. Et il a proposé aussi de les donner en reconnaissance politique comme un acteur valide, interlocuteur de guerre, quoi. Alors, ça a suscité beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions en Colombie et aussi dans la communauté internationale, parce qu'il y a eu beaucoup d'analystes qui se sont dit que voilà, c'est vrai, que pour avoir un processus de paix, pour arriver à un paix en Colombie, il faut passer pour la reconnaissance politique des groupes armés, pour la reconnaissance des mouvements insurgents par la communauté internationale aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Colombie? Il y a une contradiction. En Colombie, il y a un conflit armé et des terroristes. Il y a un conflit armé, mais un conflit armé qui n'est pas reconnu pour les gouvernements colombiens. Les gouvernements colombiens disent, voilà, comme je vous dis tout à l'heure, ils disent, voilà, ici en Colombie, il y a un groupe terroriste, une menace terroriste qui a l'État colombien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, le président colombien, en personne, il est venu. Il a parcouru plusieurs pays de l'Europe et de l'Amérique latine pour avoir à nouveau la reconfirmation que les FARC et l'ELN vont être considérés encore comme des groupes terroristes. C'est ça le but du parcours qui a fait M. Uribe. Et avec l'Espagne, comment il s'appelle déjà ? Zapatero. Comment ça s'est passé ? Parce que je pense que Zapatero est de gauche. Je pense que son père était républicain et tout. Comment ça s'est passé par rapport à essayer que Ribéry a plus essayé de dire que c'était des terroristes, les FARC? Et voilà, en fait, le fait que Zapatero était élu pour président de l'Espagne pour le Parti Socialiste, ça veut dire que lui est de gauche. Je vous rappelle que le Parti Socialiste Espagnol, il a laissé tous les principes léninistes dans les périodes de M. Felipe González. Et à partir de M. Felipe González, le socialisme, pas seulement en Espagne, presque partout en Europe, il est devenu social-démocrate. Alors, social-traite. Voilà, et c'est pour cela que Zapatero il soutient à Uribe maintenant. Parce que malgré que Zapatero est du Parti Socialiste, Mais je crois que la différence entre les PP, les partis populaires et les partis socialistes en Espagne, n'y a pas une grande différence aux façons de gouverner. Je vous dis, par rapport à la politique qui se mène contre Cuba, comme les partis populaires étaient dans les pouvoirs, voilà, c'était une politique très agressive. Maintenant, peut-être il n'est pas très agressif, mais c'est la même chose. Les relations entre Cuba et Espagne sont très, très faibles. On dit que les espoirs de beaucoup de gens de gauche qui voulaient que Zapatero arrive au pouvoir pour changer les relations entre l'Espagne et Cuba, voilà, c'était beaucoup d'espoir, mais à la fin, je crois qu'ils sont beaucoup déçus. Et par rapport à Hugo Chavez, la politique de l'Espagne avec le Venezuela, n'y a pas de bonne relation. Ça veut dire que entre les PP et les partis socialistes en Espagne, n'y a aucune différence. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et alors, les soutiens à Uribe, ben, évidemment, il a eu le soutien de la part de M. Zapatero. Dans le parcours qu'il a eu et dans le dialogue qui a soutenu avec M. Uribe. Et il y a une chose qu'il faut parler aussi. Il a lancé quelques phrases à M. Uribe, et M. Zapatero. Il a dit, voilà, si vous avez des problèmes dans la frontière avec Venezuela, on va vous soutenir. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une menace de guerre. Moi, je dirais que c'est du colonialiste. Ça, c'est une menace de guerre. Parce que, voilà, les relations entre Venezuela et l'Espagne, dernièrement, depuis le sommet de ¿por qué no te callas? Chili, de ¿por qué no te callas? ¿Pourquoi tu no te tais? Voilà, c'était les relations diplomatiques s'étaient affaiblies beaucoup plus qu'avant. Et alors maintenant, les revanches qui a l'Espagne contre le Venezuela, c'est trop grand. Alors la proposition qui fait Zapatero à Uribe, c'est de grandes dimensions. Dire, voilà, si tu as des problèmes dans la frontière, on va te soutenir. Mm. Ça veut dire que c'est presque une déclaration de guerre contre Venezuela. C'est incroyable. Hein? Mais je pense que l'Espagne n'a pas les moyens pour rapport à comment ça s'appelle, à faire une guerre non. Avec Chavez au niveau, comment ça s'appelle, pour l'Amérique latine en général. C'est mon opinion. Je pense que pour moi, bon, qui connaît un peu l'Amérique latine, je pense que c'est tellement un truc culturel, parce que tous les latino-américains qui ont été pourchassés par les dictateurs en Amérique latine se sont souvent réfugiés en Espagne parce que c'était une culture espagnole et tout. Et je pense pas que c'est pas l'intérêt de l'Espagne de faire une guerre avec Chavez, quoi. Et puis, il y a aussi les investissements économiques. Ouais, économiques. Hein. Ouais. Bien sûr, l'intérêt culturel et politique, mais il y a les intérêts économiques surtout. Hein. L'Espagne a des grands investissements en Amérique latine, au Venezuela pour commencer, et en Colombie, ne pas tant pas. Oui, mais Repsol, il a beaucoup d'investissements en Amérique latine. En rappelant qu'en Bolivie, il y a eu des problèmes, beaucoup avec les gaz. Repsol, c'est la marque d'essence espagnole. Et il y a une autre compagnie qui c'est un investissement entre Espagne et Hollande aussi. et voilà, qui se sont touchés avec les, la politique de Evo Morales, aussi avec la politique qui mène M. Hugo Chavez en Venezuela, ils sont beaucoup touchés. Et il y a eu des autres investissements qui se sont touchés, par exemple les communications avec les Telefónica d'Espagne. La banque. La banque aussi. Le groupe Santander. Il y a beaucoup de choses aussi, le groupe Santander aussi. Et vous savez que, par exemple, le problème, ce n'est pas seulement, comme dit Adriana Manon, ce n'est pas seulement un problème culturel, un problème de langue. C'est un problème économique. Et quand le problème économique est considérable, voilà, et les Espagnols, dans son économie, se sont menacés, voilà, il peut mener des interventions, pas directement, mais il peut financer des choses pour renverser le gouvernement. En disant qu'en avril 2003, c'était les coupes d'État au Venezuela. Venezuela, ouais. Et voilà, les médias espagnols, voilà, féliciter déjà les personnes qui se sont montées à ce moment-là au pouvoir. Les PP aussi, voilà, ils se sont contents d'avoir remboursé à M. Hugo Chavez. Et c'est ça. C'est pour cela que M. Chavez ne pardonne pas à M. Aznar. Pour cela, parce qu'il a dit, voilà, les Espagnols, ils ont eu quelque chose dans le coup d'État qu'il y a eu en avril. Alors, c'est pour cela qu'il y a un grand, sentiment contraire entre Hugo Chavez et M. Aznar, et maintenant, avec la politique des Espagnols. Pas avec les Espagnols, parce que le peuple espagnol, c'est une autre chose. Avec les leaders, le gouvernement espagnol, c'est ça la différence. Oui, quand il y a eu la conférence, quand il y a eu la conférence, il y a eu des tensions entre Chavez et qui a traité Aznar de fasciste et le roi d'Espagne. Zapatero, pas Aznar. C'est Zapatero. À ce moment-là, dans la conférence à Santiago de Chile, Chavez s'est prononcé contre M. Aznar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, voilà, entre les PP et les partis socialistes, maintenant, il n'y a pas aucune différence. Qu'est-ce qui s'est passé? Un socialiste, il est défendu entièrement à un membre de PP, à un leader de PP, un leader qui a été dans le pouvoir de l'Espagne, que maintenant c'est son opposition, et que le PP est l'opposition, et c'est une opposition carnivore qui a Zapatero en Espagne. Et malgré tout, il a défendu à M. Aznar. Il a dit les raisons qu'a fait M. Zapatero. Il dit, ah non, parce qu'il est espagnol, il était un chef d'État, il faut que personne s'attaque à M. Aznar ou à aucun leader espagnol. Voilà. Mais ça, ce n'est pas vrai. Hein. Je ne vais pas défendre mon opposant. Voilà. Ce qu'il a fait, il a fait, et c'est son problème, c'est pas le mien. Mais... Et voilà, donc toujours sur Trangianard. Alors, je voudrais juste intervenir pour vous rappeler que nous avons un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous contacter en direct ici sur la radio. Donc, c'est le 02 344 58 55. Voilà, si vous avez des questions. Et nous avons également un site, un blog. Donc, c'est Trangianard en un mot, point skynetblog, avec un S à la fin, blogs.be. Voilà. J'avais une petite question par rapport à la situation en Colombie. On a parlé pas mal du mouvement FARC qui est un petit peu, mis dans la réalité colombienne ce qu'était réellement le narcotrafic et tous les secteurs qui sont liés à ce narcotrafic en Colombie. Mais qu'en est-il en fait des luttes autonomes des gens qui à travers il y a la lutte donc des FARC avec une idée politique qui est claire pour eux et mais qu'en est-il en fait par rapport est-ce que le FARC est comprise par la population, est soutenue par la population, qu'en est-il du lien entre les guerreros de la FARC et la population qui les environne? Tu nous as un peu parlé effectivement de la relation avec les paysans qui font de la culture par nécessité, qui font de la culture des feuilles de la coca. De la cola. La cola, voilà, la feuille de cola. De cola. Mais qu'en est-il en fait des relations qu'ils ont concrètement avec la population? Sont-ils soutenus? Sont-ils. Y a-t-il des passages, disons, de personnes, je veux dire, entre guillemets, qui n'appartiennent pas à la FARC, vers la FARC. J'ai entendu des témoignages de personnes qui revenaient de la FARC, hein, avec des discours assez négatifs par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à un passé, en fait, apparemment. Ils dénonçaient, effectivement, bon, ce qui est assez courant dans les médias, qu'ils dénonçaient, effectivement, le narcotrafic. Bon, on en a parlé. Mais quelle est la relation et quelles sont également les luttes, au-delà de ces luttes armées, je veux dire au sein de la population colombienne. Je passe le micro. Voilà, c'est une bonne question. Voilà, on dit que ça fait plus ou moins 20 ans. Et parmi la population colombienne, la FARC avait un considérable pourcentage d'acceptation. Et ça veut dire que c'est parti de la population colombienne et croyait réellement dans ces projets politiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ici, dans ce point-là, c'est où interviennent les paramilitaires. Les paramilitaires, comme des structures déjà considérables, avaient un commandement régional et un commandement national et tout ça, qui sont organisés par les forces armées officiel. Et voilà, ils ont eu une mission spécifique, et c'était la politique de sécher l'eau du poisson. Voilà, ça veut dire que c'était la mission de neutraliser par tous les voies, et l'acceptation qu'il y avait la guérilla, tant les FARC comme les LN, et entre FARC et la population, cette acceptation. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et les paramilitaires, ils ont commencé à tuer toutes les personnes qui, d'une façon ou l'autre, étaient opposés aux politiques de gouvernement. Ils ont commencé à massacrer à tous les paysans qui, d'une façon ou l'autre, soutenaient la guérilla. Voilà, c'est pour cela qu'en Colombie, Il s'est produit beaucoup de massacres, beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup de crimes contre l'humanité par la part des paramilitaires. C'est un politique qui est établi pas par les paramilitaires même, c'était établi par l'établissement colombien. C'était établi par l'État colombien et par les différents gouvernements colombiens. Parce que, voilà, ça devient des années 80, comme je parle des paramilitaires structurés. Voilà. Et maintenant, ils continuent avec la même situation. Ils continuent avec les déplacements internes forcés des populations. Et ces déplacements, c'était à deux conditions. C'était une condition pour couper les liaisons des phares avec la population. Et l'autre côté, c'était produit par des intérêts économiques et individuels qui avaient certains multinationales et certains personnages privilégiés de différents gouvernements. Voilà, c'est ça la grande question. Le paramilitarisme, il a castré, on dit comme ça, il a coupé pratiquement l'expression opposant du peuple colombien à les politiques de différents gouvernements. Pas seulement de M. Uribe. Parce que, voilà, si on fait histoire avant de M. Uribe, qui était arrivé au pouvoir dans l'année 2002, c'était. Et voilà, les autres gouvernements aussi, déjà avaient le paramilitarisme. Déjà existait le paramilitarisme vient des années 80. Alors, ça veut dire que trois ou quatre gouvernements, ils se sont mêlés avec cette politique anti-Trujillo, comme c'était le paramilitarisme. Et l'acceptation aussi des phares parmi la population, c'était affecté pour les médias, pour la presse aussi, parce que la presse, il parle beaucoup, beaucoup de tous les faits qui font la FARC en Colombie, mais ils ne parlent pas des projets politiques des FARC. Ils ne parlent pas des autres choses qui sont liées au conflit armé. Ils les fassent se fue la palabra en español, dale. voilà, sí, il efface tellement la histoire de la Colombie, les propos, c'est ça, c'est d'éviter que de nouvelles générations il connaît pourquoi en Colombie il y a un conflit armé, pourquoi en Colombie il y a des guérillas, pourquoi en Colombie il y a des paramilitaires. Voilà, c'est ça, c'est la presse qui fait ça. Et la presse, elle y est directement avec le gouvernement colombien. Et malgré, voilà, tu vois dans la presse colombienne parfois qui dénonce la liaison entre les gouvernements colombiens et les groupes paramilitaires, la liaison qu'il y a des fonctionnaires avec le narcotrafic, la liaison qu'il y a des membres de la force armée officielle avec le narcotrafic ou avec les paramilitaires. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, la presse dénonce ça parce que d'un moment à l'autre, ça va revenir un problème international. Et voilà, et la presse va être complice de cet effet pour pas dénoncer la situation qui se passe. C'est pour cela qu'il apparaît en différents médias dénonçant la liaison des membres de gouvernement ou de la force armée ou des autres choses liées avec le narcotrafic ou les paramilitaires. Parce que c'est ça la question. Pour éviter qu'après, ils se sont accusés d'être complices d'avoir cité de ne pas dénoncer la situation qui se passe, mais il dénonce seulement ce qui peut avoir un grand scandale public, national, international, mais des autres choses qui se passent internement en Colombie, il ne dénonce pas. Par exemple, tout ce qui dénonce les organisations non gouvernementales, il ne les dénonce pas. Hein? Alors, il y a des choses très, très incroyables, mais je te dis, ça veut dire que avant, les phares avaient une bonne acceptation, maintenant... J'ai doute de cette acceptation, mais il y a des choses, il y a des faits qui, et des politiques menées par le gouvernement, par l'État colombien, qui sont réduits, qui sont mis en cours pour réduire cette acceptation populaire à favor de différents guérillas en Colombie. Et qu'en est-il en fait, puisque j'imagine que la population, elle souffre de ces situations-là. Et malgré l'influence, je dis, des médias, la politique est clairement vécue, j'imagine, la politique réelle, je dirais, hein, le déplacement des populations, la répression au travers des militaires et des paramilitaires, tout ça. Il y a sans doute une lutte aussi, je veux dire, au-delà d'une lutte armée, d'une lutte, entre guillemets, frontale par rapport à... Hein, parce que tu parles de guerre ici, frontale par rapport à l'ELN et au FARC. Connais-tu, toi, des luttes plutôt autonomes, des collectifs, des quartiers qui s'organisent et tout ça, pour essayer de passer outre toutes ces répressions et tout ça? Est-ce possible, quand on voit la répression que les paramilitaires exercent en Colombie? Oui, il y a beaucoup de luttes, pas seulement la lutte armée en Colombie, hein. Il y a aussi la lutte des paysans qui se sont réunis dans des grands syndicats comme Fenso Agro. Fenso Agro, c'était une fédération agraire qui réunit maintenant plus ou moins 100 000 ou 150 000 paysans en Colombie. Et voilà, ils donnent à travers de longtemps, ils donnent une lutte pour la réforme agraire, pour de meilleures conditions pour les paysans. Et parce que voilà, la population paysanne en Colombie était mise à côté. Parce que maintenant, les prioritaires pour le gouvernement colombien, c'est la guerre. Alors tous les fugés, tous les budgets pour les secteurs sociaux, voilà, il est mangé pour les budgets de guerre. Alors les paysans en Colombie, ils vivent en grave situation parce que voilà. Et comme je vous dis, maintenant les paysans, ils ont dû se déplacer aux grandes villes pour chercher une autre manière de vivre, une autre manière économique, parce que dans les camps, il n'y a pas de possibilité. Il y a par exemple la lutte des Indiens. Par exemple, une grande lutte des Indiens, c'était connue à niveau international, c'est la lutte qui menait les Souas contre la grande multinationale pétrolière Oxy Petroleum. Parce qu'il y avait dans son territoire ancestral, ils ont découvert qu'il y avait des ressources de pétrole, des ressources importantes de pétrole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le gouvernement colombien, il a donné son avis favorable à la Oxy Petroleum pour exploiter ces ressources. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les Souas, c'était son territoire. C'était son Pachamama, comme disent les Indiens. Alors, ils ont dit, voilà, on n'a pas d'accord avec le gouvernement colombien, on va lutter pour éviter que notre terre ancestrale soit touchée par une exploitation pétrolière. Ils ont dit, la Pachamama, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la frapper, il ne faut pas la perforer, et voilà, et on va se battre contre ça. Et voilà, ils sont inclus, ils sont menacés de faire un suicide collectif pour éviter que la Oxy Petroleum entre dans son territoire à exploiter les ressources pétrolières qu'il y avait dans ce territoire. À la fin, ils ont eu beaucoup de soutien international, ils ont eu un accord avec le gouvernement colombien, et voilà, le thème, il a baissé peut-être le rythme qui venait dans la dénonce, mais encore, il y a des autres secteurs indiens qui mènent aussi des différentes luttes pour son territoire, pour son droit, à assister, inclus, quoi, par exemple, pour le droit à la terre, par exemple, dans les secteurs du sud-occident colombien, dans les départements du Cauca. Ils ont mené beaucoup de protestations qui dans les années 90, dans les années 80, il y a eu des massacres des Indiens par la part de forces armées officiel et aussi des paramilitaires, et que maintenant ça n'a pas résolu encore. Alors il y a beaucoup le secteur syndical aussi, le secteur syndical, il mène aussi en lutte pour des revendications sociales, pour des revendications de l'emploi, des meilleurs salaires, enfin des meilleures situations pour leurs droits ou les droits des travailleurs, enfin. Mais la réponse que maintenant il résout, c'est qu'en Colombie, maintenant, c'est le premier pays du monde où le travail de syndicalisme ne s'est pas exercé. Parce que maintenant, ils sont en train de tuer les syndicalistes. Alors, c'est ça la réponse des gouvernements, des différents gouvernements, même les gouvernements d'Uribe. Uribe dit, voilà, on va signer les traités de libre commerce, parce que, voilà, les TLC, parce que les sénateurs démocrates, les sénateurs démocrates des États-Unis, ils ont mis en condition de signer le traité de libre commerce si ne s'améliore pas la situation des droits de l'homme, les assassinats des syndicalistes, les assassinats des journalistes. C'est la condition pour les signer. Alors, Uribe dit non, les assassinats des syndicalistes, il a diminué. Mais voilà, il a diminué, oui, mais encore il y a des assassinats de syndicalistes. Alors la situation ne change pas. Les chiffres qui donne le gouvernement colombien sont des chiffres manipulés. Mais la vraie situation de la Colombie, dans le syndicalisme, dans le secteur de l'opposition, c'est la répression et parfois la mort. C'est ça. Je voudrais que tu me dises, pour que un peu clarifier au niveau de la Colombie, quel est le pourcentage de population indienne en Colombie ? Et le comment s'appelle, et est-ce qu'il y a des comment s'appelle des hommes politiques indiens ou c'est simplement ils sont seulement dans la terre ou des choses comme ça? Voilà, il y a un pourcentage très bas en Colombie des indiens. Et on parle de 2%, entre 2 et 3% plus ou moins. Dans une population de 45 millions de personnes. Mal compté. voilà. Et sur l'autre question des politiciens indiens, voilà, si, il y a des politiciens indiens. Et dans la constitution de 91, la nouvelle constitution qui a remplacé une vieille constitution qui avait 100 ans, voilà, il y a eu dans les articles relacionés avec les élections et les représentations parlementaires, il y a eu les circonscriptions spéciales. Les circonscriptions spéciales, ça veut dire pour les secteurs minoritaire, les secteurs de population minoritaire en Colombie. Il touche les secteurs noirs, afro-colombiens, et les secteurs indiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ils participent dans les élections, mais ils votent entre ces représentants. Ils sont droit à 2 représentants pour circonscription spéciale, quelque chose comme ça. Oui, je crois, ouais. Et aussi, il y a une circonscription spéciale pour les personnes qui se trouvent dans l'extérieur. Il y a un représentant qui est les Colombiens qui se trouvent hors de la Colombie, aux États-Unis, en Europe, ou quelques autres pays, pour voter un représentant de l'extérieur. Et voilà, c'est ça qui a donné la constitution de 91. Et malgré ça, voilà, de toute façon, dans les congrès, dans la Cámara de députés, sont très faibles, sont minoritaires. Bah, alors, ça veut dire qu'un représentant là, avec les 40% des libéraux, les 30% des conservateurs ou quelque chose au pourcentage comme ça, voilà, n'y a pas aucune incidence dans ce projet. Toca muy serena con su ritmo bien marcado. Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más. Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más. Thank you. comieron la patita, mira las buenas carapachón. Pero uno de ellos que está de olla al vacío llegó, parado frente al cartero de esta manera expresó: no se preocupe mi amigo, esto no es un gran dolor. Alcánzame el pan muy sucio que la salsa es lo mejor. Alcánzame el pan muy sucio que la salsa es lo mejor. Está la verdad, con el pan y la salsa y verás. Pero que moja el pan, qué rica está. Con el pan y la salsa y verás. Qué rica mi nena para gozar. Con el pan y la salsa y verás. Pero que mojalo, mojalo. Je voulais répéter la question de savoir combien il y avait d'émigrés colombiens dans le monde. Cette question, c'est un peu difficile, mais de toute façon, les statistiques qu'on gère maintenant, c'est parle entre 4 et 5 millions de Colombiens qui sont sortis de la Colombie. Et que maintenant il habite aux États-Unis, en Europe, en différents pays de l'Europe, surtout en Espagne, parce qu'en Espagne ça facilite la langue. Et il y a des bonnes quantités aussi en France, et au Royaume-Uni aussi, à Londres. Aussi, il y a une bonne quantité. Et il y a des autres minorités en Belgique, en Italie, en Suisse, dans les pays de la Scandinave, dans Suède. Il y a des autres minorités. Il y a aussi des Colombiens qui se sont qui se sont réfugiés dans les pays voisins de la, Colombie, ah, comme c'est... l'Équateur, Venezuela, Pérou, peut-être aussi Centre-Amérique, Panama, Costa Rica, Mexique aussi. Il y a partout, il y a un peu, mais ce qui j'ai lu quelquefois, je ne sais pas si c'était officiel ou pas, c'est entre 4 et 5 millions de Colombiens qui se sont sortis de la Colombie. Et la radio que vous avez fait le samedi, Radio Stéréo America, c'est des Colombiens ou c'est généralement des Latino-Américains? Est-ce qu'il y a plus de Colombiens que de Chiliens ou d'Argentins ou... Non, ici en Belgique, on a vécu une particularité, surtout dans les secteurs des médias alternatifs. Et ici, dans la radio libre, on avait la possibilité de faire une émission, ça fait longtemps, ça fait plus ou moins 17 ans. C'était créé comme America Stereo, cette émission. C'était une émission latino, surtout de Colombiens, faite par Colombiens. Et voilà, parce qu'à ce moment-là, avait la Radio Campus. Dans la Radio Campus, les Chiliens avait déjà son territoire, ouais. son émission, qui c'était Campus Latino. C'était ancestral. Et alors, voilà, pour avoir accès à cette émission, mais c'était un peu difficile. Alors c'est pour cela que les Colombiens, quelques personnes colombiennes, se sont donné à l'affaire de trouver un espace de radio. Et voilà, dans la radio libre, ils nous ont donné cet espace. Mais maintenant, en considérant que la population colombienne, ce n'est pas seulement la colonie, la colonie, c'est dire, non? La communauté latino la plus forte ici à Bruxelles. Il y a aussi les Équatoriens aussi qui sont, ont grandi, une communauté de migration très très forte. Il y a aussi des autres communautés considérés importants comme les Péruviens, les Argentins qui sont minorités, les Paraguayens. Et voilà, on fait tout le possible maintenant pour mener une émission vers la communauté latino. Ouais. Voilà. Et maintenant, on a un copain équatorien qui participe aussi à l'émission America Stereo. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé des autres personnes représentatives des autres pays, des autres communautés qui habitent ici ou qui sont séjournés ici à Bruxelles. Et parce que ça, il faut les dédier des temps. Et c'est, vous le savez, c'est un temps qui n'est pas payé. Mmh. Alors c'est bénévole. Alors ça doit être quelque chose qu'on aime. Qui la personne aime bien, qu'on aime bien pour faire la radio et pour passer un bon moment, parce que de toute façon c'était des bons moments qu'on passe dans la radio, et en train de passer l'information, de mettre une autre ambiance différente hace que cotidianamente le latino como dir se son ici a Bruxelles, se son ici a en Europa, parce que c'est très très différent notre culture, notre idiosincrasie. c'est très différent à l'européen, à l'européenne. Alors je crois que un petit espace latino dans un radio alternatif, c'est très très important pour avoir un peu de soulagement culturel, soulagement. On a compris. et pour se mettre un peu dans l'ambiance. Moi j'écoute votre émission souvent le samedi. Ce que je reproche un tout petit peu, c'est quand vous annoncez des fêtes. Moi, je comprends un petit peu l'espagnol, mais très peu. J'aimerais bien que vous les disiez en français pour les gens qui sont intéressés à aller voir la culture latino-américaine. Ça serait bien que simplement les annonces de fêtes. Parce que de toute façon, ce que je veux dire, c'est de toute façon, vous n'allez pas le faire toute votre émission en français. Les fêtes, ça serait intéressant. Parce que j'ai du mal à comprendre les endroits. Et notre copain chilien, Hannibal, ne dit pas non plus les fêtes, mais il parle en français. Alors, on va te laisser de dire. Ton émission, de quelle heure elle commence, où elle finit? T'annonces ton émission. Voilà, en fait, il y a la Radio Libre déjà, il y a plusieurs émissions qui se font pour les latinos. Et il y a la Palabra de Mujer, qui est menée par Kelly Mercado, c'est tous les jeudis. Je crois que l'horaire n'est pas changé, c'est de 8h à 21h. Il y a le vendredi, Antenne Latino, qui s'est fait en partie en français, en partie en espagnol, pour notre copain Aníbal González, qui s'est fait de 18h à 21h. Ça, c'est une variété d'informations. Et aussi Amérique Stéréo, qui se fait tous les samedis de 17h à 20h. C'était un programme varié, un programme de plus ambiance. C'est quelque chose de différent parce que le but, c'est de mener aux auditeurs latinos surtout. Et à vivre quelques moments qui sont vécus dans chaque pays de l'Amérique latine. C'est ça, l'ambiance des latinos. Et aussi pour donner beaucoup d'informations, ce qui passe, le plus important, ce qui passe, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Si on touche chaque pays, il y a beaucoup d'informations. Et aussi, le dimanche, j'ai un programme aussi d'une émission sur les droits de l'homme, culture et folklore en Amérique latine qui s'appelle Entre Amigos. C'est en espagnol. Je l'ai fait de 16h à 18h tous les dimanches. Alors, je crois que. on a créé un bon espace radial alternatif ici à Bruxelles pour tous les auditeurs. Ouais. Bien. Voilà, merci beaucoup Hugo de nous avoir parlé de la Colombie. Et tu voulais encore dire quelque chose, oui? Oui, je voudrais dire une chose. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui on n'a pas parlé, c'était le problème de séquestrer, le problème des otages. C'était un problème très, très délicat en Colombie. Et on dit que, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces... La séquestration se pratique, mais de toute façon, C'est une situation qu'il faut la résoudre aussi pour un dialogue. Il faut la résoudre aussi pour un conditionnement qui c'est pas mis pour les phares. C'est un conditionnement qui s'est fait et qui est consacré dans les protocoles de Genève, dans le protocole 2 de Genève, que c'était les changements des prisonniers. Mmh. Voilà. Alors, je crois que ces situations des otages, ils passent par ces côtés, par les côtés des changements humanitaires. Voilà, comme à proposer les phares. Voilà, malgré tous ces problèmes qui a réveillé la communauté internationale par une figure, on dit comme ça, la figure d'Ingrid Betancourt, que c'est français. Mais aussi, il y a des otages là-bas qui ont 10 ans. Ouais. 10 ans de cultiver, de séquestration. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement colombien a opté plusieurs fois par la force, par la voie militaire de répondre les otages, de libérer les otages. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un risque très, très, très grand que cet otage soit mort ou soit assassiné, parce que le conditionnement des phares maintenant, c'est de ne laisser pas libérer par la force aux otages. Alors, ça veut dire que s'il ne meurt pas, entre les faux croisés, les guerrilleros, ils peuvent les assassiner. Voilà, et on dit, on parle de vie humaine, on parle de êtres humains, on parle de situations, on dit que touche à tout le monde. Mais peut-être il ne touche pas au président colombien qui ne veut pas faire l'accord humanitaire. Alors, je crois que la sortie en Colombie maintenant, c'est la voie dialoguée, la voie de l'échangement humanitaire et aussi la voie politique pour avoir la paix en Colombie. Mais je crois qu'on doit parler de choses vraiment sérieuses pour l'avoir. Parce qu'il y a beaucoup d'essais qui se sont mis en route en Colombie, mais ce sont des essais qui sont échoués, qui se sont finis par des prétextes banals de la part des différents gouvernements. Voilà. Maintenant, je crois que les autres gouvernements, l'unique gouvernement qui a soutenu un vrai processus de paix, c'était dans les 1984, avec M. Belisario Betancourt, mais qui l'établissement colombien, qui les Nord-Américains, les États-Unis, ils ont aussi le fait échouer. Mais les autres gouvernements, ils ont mené des processus de paix dans la guerre. Alors, ce sont des processus de paix qui naissent déjà fragiles, parce que quelques situations de guerre, quelques frappes d'un côté ou de l'autre, il peut finir le dialogue. Alors je crois que pour moi, maintenant, la sortie politique, la sortie de dialogue, c'était très important pour que la Colombie et pour avoir la paix d'une foi durable. Et aussi, le thème des otages, le thème des séquestrés, aussi passe par un dialogue, passe par une intervention politique et aussi pour un accord humanitaire accompagné de la communauté internationale et des organismes qui sont très très professionnels dans ces thèmes comme la Croix-Rouge internationale. Tu as abordé, je crois que c'était nécessaire aussi, le côté, donc il y avait le côté les FARC narcotrafiquants, hein, on a élucidé peut-être un petit peu la vérité par rapport à ça, et effectivement les FARC comme preneurs d'otages, et je crois que c'est un, pour peu que ça puisse aller, être sympathique, je veux dire, dans le sens, attirer la sympathie de certains... de certaines personnes, les mouvements guerreros et de lutte armée par rapport au gouvernement colombien, aux différents gouvernements colombiens. Les FARC, je pense, à mes yeux, se discréditent complètement par rapport à ces prises d'otages. J'ai entendu dire que c'était sous prétexte d'impôts effectivement révolutionnaires et tout ça, qui retouchaient à ce moment-là de l'argent, les rançons, hein, comme on l'appelle. Pour moi, c'est une incohérence, ou alors c'est cohérent avec une politique qu'ils voudraient mener au niveau national en Colombie, mais à partir du moment où on se permet d'en prendre comme ça, de se prendre à la vie humaine, quelles que soient les personnes qui soient détenues, quel que soit leur discours politique ou leur action politique, le fait de les maintenir comme ça séquestrés. Dénote quand même d'une politique assez claire, je veux dire, pour moi, hein, par rapport à ce que pourrait être une politique nationale dirigée par un parti dont les membres seraient issus de la FARC. Ça me fait quand même assez peur aussi, je veux dire, personnellement, puisque ces vies sont mises en jeu. Maintenant, elles sont mises en jeu... Peut-être le discours, c'est de dire elles sont mises en jeu par le gouvernement qui veut récupérer les otages. Hein, bon. Mais c'est quand même pour moi assez incohérent dans une politique humaniste, hein, de comme ça se permettre de prendre des otages. Et je ne sais pas, et bon, maintenant, ici en Europe, en tout cas, on en entend parler qu'à travers essentiellement effectivement la prise en otage de Bettencourt. Avec tous les mouvements sociaux, entre guillemets, qui prennent cause pour sa libération. Donc, quelque part, on sait que la FARC existe par rapport à ça, mais en même temps, ça jette un propre sur une politique qui est justement celle de prise d'otage. Donc, pour moi, personnellement, c'est de l'anti-publicité, je veux dire. Hein. Et en même temps, ça ne me donne pas spécialement confiance non plus dans cette politique. Il se prône marxiste, je pense. J'ai lu ça. Est-ce vraiment une solution, je veux dire, par rapport à ça, hein? Maintenant, il faudrait... Tu parles de faire venir des instances internationales, de justifier un échange de prisonniers à travers les accords de Genève, des trucs comme ça. On rentre quand même dans un système assez spécial, je veux dire... déjà, le fait de je ne sais pas où, et sans doute personne ne sait savoir, dans le processus qui était négocié dans les années 2000, hein, c'est ça, par rapport au gouvernement et par rapport au désir de dialogue entre le mouvement de lutte armée et le gouvernement en place, par rapport au cessez-le-feu, par rapport au traité, aux discussions qui seraient ouvertes. Je ne suis pas très optimiste quand je vois leur action. Je ne suis pas très optimiste quant à ce qu'aurait pu devenir, au final, ce type de négociation. S'il s'agit de s'échanger les prisonniers et finalement, peut-être, à travers un soutien populaire, devenir à eux, cette fois-ci, les dirigeants d'un pays... Je ne vois pas les prisons se fermer non plus, tu vois. Quand on développe déjà ce genre d'action, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Voilà, ça c'est un thème très très délicat, très très incohérent, comme tu l'as dit. Et d'abord, voilà, je peux vous renseigner quelque chose. Et les phares, dans les années 90, plus ou moins 98, 97, 98, 99, il a commencé à faire un frappe à niveau national, à niveau militaire, dans les territoires nationaux. Un frappe qui était dirigé vers les bataillons de l'armée, voilà, et qui a donné beaucoup de succès à la FARC. Ils ont réussi à abattre, à éliminer plusieurs postes de militaires et dans les sous des pays. Et aussi, ils ont pris des prisonniers de guerre. Ça veut dire tous les militaires, tous les soldats, officiers militaires qui étaient dans ce moment-là, dans les bataillons, dans les postes militaires, ils se sont pris pour les FARC. Et alors, les FARC, il a eu plus ou moins 450 militaires prisonniers. À ce moment-là, c'était considéré comme prisonnier de guerre. Parce qu'il y avait une guerre entre deux forces. Et alors, si le gouvernement colombien, il prend les guerrilleros, il les met à la prison, les FARC aussi, il prend les militaires et les retient. Dans l'année 2000, et voilà, et ils ont entamé les processus de paix avec M. Andrés Pastrana. Et effectivement, ils ont fait un échangement de prisonniers. La FARC, il a lâché plus ou moins presque 400 militaires qui avaient à ce moment-là. Et alors, ils ont laissé les militaires les plus hauts rangs, les officiers, les plus gradés. Alors, et voilà, après cela, ils deviennent une autre condition. Dans les conflits armés. Une autre politique de guerre par la part de Monsieur Uribe et par la part aussi la initiation de après les échecs de processus de paix. Alors qu'est-ce qui se passe, la FARC pour attirer l'attention internationale et pour obliger au gouvernement à dialoguer, à faire une reconnaissance politique, à faire une reconnaissance de belligérance. La guérilla commençait à faire des otages politiques, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il réclame la FARC? Réclame la FARC à ce moment-là, ces membres guerrilleros qui sont dans les prisons colombiennes, il y a plus ou moins 500 guerrilleros qui sont, logiquement, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec la séquestration parce que je crois que c'était une condition très très dégradante pour les êtres humains. Mais de toute façon, en Colombie, il y a un conflit armé. Il y a un conflit armé qui il y a eu des conditions aussi de la part des gouvernements colombiens qui a fait la même chose. Et pire, le gouvernement colombien a commencé à disparaître les gens. C'est pire, hein, oui, c'est vrai. Hein? Et voilà, et des gens qui personne, jusqu'à le moment, personne ne savait pas où se trouve. Tout, ouais. Hein? Alors, c'est pour cela que je vous dis, c'est la dégradation de la guerre, de la dégradation de conflits armés en Colombie, parce que si le gouvernement colombien il a commencé à faire la disparition forcée, et la FARC, il a commencé à séquestrer des civils, voilà, déjà on parle de choses plus profondes, plus dégradées, quoi, de conflits. Et ça, je vous dis, ça, si ça ne s'arrête pas aujourd'hui, avec un processus de paix, avec une sortie politique dialoguée, avec un processus de paix, avec un échangement humanitaire ou des choses comme ça, ou l'intervention internationale d'intermédiation ou des choses pareilles, voilà, ça va être pire. Parce que voilà, la politique guerriériste du gouvernement colombien, maintenant, il est consacré, quoi. Alors, ça veut dire que si le gouvernement colombien, il fait des attaques profondes contre la guérilla colombienne, aussi, il va contester cette attaque. Et alors, ça va être pire. Et ça, ça ne va pas finir aujourd'hui ou demain, ça va continuer. Des autres 40 ans comme maintenant il dure les conflits armés en Colombie. Ouais. Non, j'ai aucune question. Ben voilà. On va terminer comme ça alors. Merci beaucoup Hugo. Merci Hugo. C'était l'occasion de te rencontrer aussi, ouais, ouais. Autrement que te croiser ouais, dans les couloirs de Radio Air Libre. Et j'espère que les auditeurs ont été un peu plus éclaircis sur le problème colombien. Voilà, merci à tous. Et j'espère que j'ai touché des thèmes très, très intéressants que vous voulez savoir un peu plus. Et voilà, je vous invite à nous écouter à notre émission de radio. Ah, peut-être pour savoir plus, hein, s'il parle espagnol, s'il parle espagnol, il peut comprendre très bien les autres choses. Les fêtes en France. Les fêtes, n'oublie pas la consigne de Taxil. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. On dit bonjour à Radio Jama demain. Ça va Africa bien. Jama. Ça va. Salut. Et alors, Passe-Muraille dimanche. Passe-Muraille dimanche. À partir de 18h jusqu'à 20h. Voilà. Au revoir. Nos enfants de la patrie, des gens de gloire est arrivé. Prendre-nous de la tyrannie, l'étendard sans l'entendre. L'étendard sans l'entendre. Vive Robespierre et vive Cambronne, je suis anarchiste parfaitement. Vive l'anarchie, je révolutionne et puis abat le gouvernement. J'ai des bombes remplies d'eau de Pologne qui sont toutes prêtes à faire sauter la chambre, le Sénat, le bois de Boulogne et les chalets de nécessité. Bande de fripouilles et de scélérats, patience, faudra voir à voir quand viendra le matin du grand soir. Les gens qui nous empoisonnent, les épiciers, les boulangers, tous les marchands d'eau en bonbonne, les herboristes, les charcutiers, on les parquera à la Villette, on les hachera en petits morceaux et on fera de jolies côtelettes, des pieds de cochon, des fraises de veau.